是暗自想哭，我却哭不尽。C'est des infâmes, on mal femme, à la mi-pas qui perd leur poste. C'est dans des fils de pute qui bat leur chien, qui laisse béton encore ça leur arrange. Le bec, bec à la santé et l'argent qui tombe dans les trous et les trousses qui tombent du canon sans sortir du ciel. Pour belle, on dirait que la vie est belle. Ça crée peut-être sur le béton, on sera une fois, comme il envie le bord du bois du noir. Enfin, ça baisse en marre, regarde encore une fois heureuse qui se plaît, qui porte plainte à la vie. Rien dit qu'est-ce qui se passe, qui porte d'âme, qui se pose question, aucune occupation à 100% que de la régression.